Selon les médias sud-coréens comme News 1, les habitants de l'arrondissement de Songjo de la province du Gyeongsang du Nord et les formations civiles et sociales ainsi que les croyants ont tenu le 13 un meeting à l'occasion d'un an de l'annonce de la disposition de SAD américains à Songjo par le ministère sud-coréen de la Défense. Les participants au meeting ont dénoncé le danger de la disposition de l'armement américain et exprimé leur volonté de mener plus dynamiquement la lutte pour son retrait. Le même jour, partout en Corée du Sud, se sont déroulés des séminaires, meetings et autres activités des formations civiles et sociales et des personnalités de divers milieux contre la disposition de SAD illégale et arbitraire des États-Unis et des autorités sud-coréennes.